Le panneau de danger annonce un carrefour à sens giratoire. Ce type de carrefour comporte un terre-plein central obligatoirement contourné par la droite. Je ne pourrai donc rencontrer que des véhicules venant de gauche. Le panonceau rappelle que je dois leur céder le passage. Les feux jaunes clignotants seuls ou associés à un panneau de signalisation ne modifient en rien la portée ou le sens de cette signalisation. Leur rôle consiste seulement à attirer l'attention des conducteurs sur un endroit particulièrement dangereux. Réponse B.